Dans sa communication publiée le 1er juin, le porte-parole du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a dit notamment « Apeurés par notre puissance militaire sensiblement renforcée, les États-Unis livrent les exercices militaires conjoints des corps de frappe des porte-avions nucléaires Calbinson et Ronald Reagan dans la mer de l'Est de Corée et s'acharnent à moderniser les biens stratégiques nucléaires à introduire au cas échéant dans la péninsule coréenne et à renforcer leur capacité d'attaque. » D'une part, ce pays modifie le système de combat de navires de sorte que les porte-avions nucléaires de classe de Nimitz comme Abraham Lincoln soient capables de porter des avions furtifs de type nouveau F-35C destinés à la première frappe contre nos installations stratégiques et d'autre, à intensifier les exercices de largage de la bombe guidée de précision GBU-12 pour renforcer la capacité de frappe contre les cibles mobiles. Parallèlement, il affirme d'accroître le nombre de lance-missiles de croisière des sous-marins à propulsion nucléaire de classe de Virginie, destinés principalement à l'attaque contre la profondeur de l'adversaire, soit de 12 à 40, pour multiplier par plus de 3 fois la capacité d'attaque contre le sol, et porter au maximum la capacité de combat du contre-torpilleur furtif Zumwalt construit en mai de l'année passée pour le disposer sous peu dans les parages de Corée du Sud. Cela montre que l'ambition américaine de nous supprimer par la force et de réaliser la suprématie militaire en Asie-Pacifique, voire de parvenir à tout prix à l'hégémonie mondiale, ne change point et que l'auteur qui aggrave extrêmement la situation dans la péninsule coréenne et le reste de la région, c'est ni plus ni moins les États-Unis. Si ce pays poursuit invariablement la confrontation militaire sans issue en tournant le dos à la réalité, nous sommes décidés à le tracasser jusqu'à la fin et nous lui enverrons de plus grands paquets de cadeaux. Que les États-Unis sachent correctement que l'heure, la justice et la victoire finale appartiennent à nos autres détenteurs nucléaires. Ils feront donc mieux de faire un bon choix, ne serait-ce que maintenant, s'ils ne veulent pas être déshonorés davantage.